En cas de contrôle par les forces de l'ordre, tu dois être en mesure de présenter les originaux de tous les documents obligatoires. Permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance. Les photocopies, même certifiées conformes, ne sont pas admises. En cas de non-présentation immédiate de ces pièces, j'encours une amende par document manquant. Je dispose ensuite de 5 jours ouvrables pour les présenter aux services compétents. Réponse A.